الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر الأصفهاني رحمه الله في كتابه البلوغ المرام في أدلة الأحكام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الصوم وأنا أنظر إلى أثر العزل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أفرقه يابسا بزفر من ثوبه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس مولانا أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد ginnaw biñu sante yalla julli ci yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam ni ngi len di nuyu di len ziyara di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon delu ci wat insha allah taala comme niko hadratu rais jange manam moy ci walu hadith yi nga xamantene fofu lañu nekkon ci bulughul maram min adlatul ahkam wal imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani rahimahullah nga xamne kon mu waxne an aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu maniyya thumma yakhruju ila salati wa ana anzuru ila athari al ghasl fihi muttafaqun alayhi kon lol mom moy hadith bu ndek bi wona jele nane ci sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha وعن عائشة جرن سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت نينا دفوحنا كان نكون رسول الله من دول يالله صلى الله عليه وسلم يغسل دون رخص المني مني ثم توب من ثوبه تييرم مام تمبالانم ثم توب يخرج مداد جن إلى الصلاة دم تجولي وانا فك من أنظر ما يجيس إلى أثر الغسل تي جيختلو رخص نوي فيه ci yere bi nan ñu ko raxé nonu ci yere bi comme ni nga xamanté non lañ ko gissé ci yene riwaya inshallah taala dinañ gëna yexi ci li nga xamné mom mo aju ci baat yoy ci buñuy léral baat yi nga xamanté ñom ñoo nekk ci hadith benen bi ci dess mom moy wa fi lafdhin li muslim manam amna ci benn kaddu fi lafdhin kaddu li muslim bo xamné imam muslim rahimahullahu taala moko solo mom moy kuntu nekkon nako xamna afrukuhu don nako khos wala bok don nako jondju min sawbi ci yereemi mum yenenbi sallallahu alayhi wasallam farkan ak jondju fay salli fi murad ci julle wa fi lafzin lahu amna tamit ci ben kaddu batay bo xamanteni imam muslim batay rahimahullahu ta'ala mom moko solo mom moy laqad kuntu ahukuhu yabisan bi zufri min sawbihi sallallahu alayhi wasallam laqad deug deug war ginnane kuntu nekkon na ko xamantene ahukuhu dama ka dan khos min sawbihi ci yereemi man bi zufri ak sama wex mom man yu dan nako khos ak sama wex bi zufri ya bi san fek muy aji wo min sawbihi ci yereemi mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yoyu yi ñom ay hadith yi mom moy hadith yi nga xamantene tambali won nañ ci diko jang wallahi alhamdu wal minna yeksi won nañ ci leral manam li nga xamantene mom mo aju won ci buntu yi nga xamantene mom la hadith yi manam hadith yi fan lañu nek ak yeen téré lañ ko mëna fekk ci téré ciosan yi nga xamantene ñom ñoy téré ciosanu hadith yi niki nonu wax nañu manam ci li nga xamne mom manam de manière globale li aju ci takhrij bi manam fan la nek kan moko solo ñan ak manam li nga xamantene mom moy wuté am ci yenn baati solo nak wax nañ tamit li nga xamantene mom moy manam ci liñu warona tambale manam mom moy wax nañ tamit yene ci Allah lay yi nga xamantene mom lañu soloé hadith yi wax legui inshallah taala comme ni nga xamne non lañ ko tambale won ci suñu jotaay bi wessu mom moy de comme niñ ko baxo diko def ci suñu haris bu nek dañuy ñëkke wax def tarjuma manam def genre biographie ci sahaba bi nga xamantene mom mo solo suñu haris bi nga xamantene mom lañ nek suñu haris bi nak ki nga xamantene mom moko solo mom moy sayyidatu aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha wardaha wa anna biha wa ja'ala aali al-firdaws maswaha wa ma'waha sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha comme ci jotay bi wessu gisson nañ manam ci suñu jotay bi wessu ci mom lañ ko defon manam ci waxtane mbiru sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha inshallah ta'ala yegul won dañ koy yegal inshallah ta'ala ci waxtane ana kan mom moy sang bu mag bobu ku sel koku roy kay bu mag bobu muy ki nga xamantene manam reference la bi kuñuy tek beut ci ko xamantene ku mata top la ko xamantene ay mbirum dafa mata baye xel ci mbolam anam yi te mom moy sangu jigen ni di sangu jigen ni aduna mom moy ki nga xamantene mom moy borom xam xam bu mag bobu di nitu yalla deug deug bu sel bu mag bi nga xamantene mom moy as-siddiqatu bint as-siddiq nga xamantene manam dañ ko koy wax na siddiqa ndax maqama bu kawé bi nga xamantene mom la taxawé won ci borom subhanahu wa ta'ala ak ci karam yentibi sallallahu alayhi wasallam nekkon habibata rasulullah sopp yentibi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ñu do ko dal wax nan habibatul habib manam sopp bi niki nonu ñu ran ko habibatul mustafa sallallahu alayhi wasallam ndax mom moy soppé tanefu yalla bu magli sallallahu alayhi wasallam dañ ko doon wax kon al mubarraa manam mom moy ne kuñu setal la ndax comme mi nga xamantene insha allah taala dinañ ko ñew dinañ ci ñew ci hadithatul ifki mo xew xew sos gog nga xamantene mom lañ soson ci ay mbirum manam mu nekkon natom niki nonu kon dan nañ ko al muwaffaqa ki nga xamantene borom subhanahu wa taala do ka deppele ci bëpp xétu yiw ak lepp lo xamantene lu bax la amna yenen comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon ci suñu jotaay bi wessu walillahi alhamdu wal minna niki nonu waxon nañu ci li nga xamantene mom mo aju won ci yenn ci ni mu ragne ko rawatina bi nga xamantene mom la nekkon xalé fi mu gane aduna ci makkatul mukarrama ni nga xamantene tamen non la ko yantib sallallahu alayhi wasallam denche ak xew xew yi nga xamantene mom mo ci xewon ak naka la jaara da tamit gisoon nañ ne tamit mais bi kon ñu koy denc bi mu am jurum benat te ñu koy yobbu musayyi ji ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ci bu amé jurum ñenti at ci ñaarelu at ginnaw banam juste biñu joggé xare badar manam muy ñaarelu at ci gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ngi nonu waxtane won nañu li nga xamantene kon mom moy masala yi aju ci mbir momu ak yenn ci masala yo xamantene aju won na ci waxtane won nañ ko ci suñu detaay bi wess won la xamdu won minna waxtane won nañ tamit ne sopp bi nga xamantene mom la ko yent bi sallallahu alayhi wasallam soppon ak ana lan mom moy li nga xamantene mom moko waralon fofu bok na ci li nga xamantene mom lañu gissoon mom moy ne yent bi sallallahu alayhi wasallam comme niko yenn wa ahlu siyar di waxe manam ñi di yëngatu ci walu sirah dañu faral di wax ne dafa nek dafa gënon na ndawé ci soxna yenté bi sallallahu alayhi wasallam mais comme ni nga xamné non lañ ko waxé won way dañu wax né ki nga xamantene ñu liñu japp né manam ëppunti nañ di japp ci yenté bi sallallahu alayhi wasallam ak bi fast ci mom ci né manam rien que rek né ki mo gëna nek ndaw rek wala mom rek lolu kessé mom dana tax yenté bi sallallahu alayhi wasallam di gëna bëgg kenn par rapport ak kenen bi lutax ndax amone possibilité wu boudé lolou rek moko yitté non et que lolou rek ay tax muy bëgg kon wala bok muy gëna bëgg kon vraiment doona tak doona denc ay soxna nga xam nga ay mag lañ ay jankal lañ comme ñeneen ni alors que ndax amone possibilité bi amul kenn ci biir julit ni wax ak ñeneen ñu julit ni sax kum ci doon ñaan doomam daanaka bu koy bañ bu koy gantu kon dañuy gis ne sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha li yenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci mom lolou mom moy li am manam ne inna fadla aisha ala sa'ir an-nisa'i ka fadli saridi ala sa'ir at-ta'am gën mu hadith bu nek sahih imam muslim rahmatullahi alayhi yenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne gën gi sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha gën yenen jigen ni mi ngi melni sarid gën gi muy gën yenen ñami voilà comme ni nga xam tane non lañ ko gisse won yenti bi sallallahu alayhi wa sallam bëggul nako tam doon ko bëgg ndax sayyidat aisha radhiyallahu anha mom mo nekkon doomu ki nga xamantene mom la gënon sopp tamit ci nit ñi muy sayyidna abubakar radhiyallahu ta'ala anhu sayyidna abubakar as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mom moy ki nga xamantene danaka jarul présenter ci l'islam ndax kep ko xamantene and ak bimu and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam bañ nan mom moy andano mom moy xaritam ba nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ni man awma ben xarit buma don am xarit law kuntu muttakhizan khalilan la takhadtu abubakar khalilan walakin sahibi fi din wa ki nga xamantene buma don damay jappe kenn ci xarit kon sayyidina abubakar la jappe xarit waya nak sama andano la ci dini ji manam ndax lan ndax yalla mom dafa tambale na inna allaha takhadani khalilan kama takhadha ibrahima khalilan bo doga wax jima wax legui ni walaw kuntum muttakhidan khalilan latakhadtu abubakar khalilan amna ci benen yenen ayat hadisi nak mune wala mune waye nak abubakar rek kay sama xarit manam wala ne kenn rek la motax ñepp dañu xamni won yeen ta sallam bu ñe xaritam moy sayyidina abubakar radhiyallahu ta'ala mom la daan gis tous les jours lu mbon mbon ben yon tous les jours dina gis sayyidina abubakar rande la taan donc c'est pas abubakar moy ki ko gënalone djegi ci lu ñu joel mom moy ki nga xamantene moy ki gëna bax ñepp ginnaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci lu ñu joel sayyidat aisha radhiyallahu anha dafa ne dama gënt ñetti wër daanu sama bir rek ñetti wër mu wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñetti ñi gën ci kaw fuf ñoy ñom ñom ñoy dinañ leen rop ci sa bir nekk bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf mu genn aduna fofu comme ni nga xamne non la ci ñew inshallah ci nekk sayyidata aisha radhiyallahu anha ñu rop ko fofu niki non sayyidna abubakar radhiyallahu ta'ala anhu gebim genn aduna ne ha ma ngi ñaan ñu indi ma rop ma ci wax sayyidata aisha radhiyallahu ta'ala anha ci wetu ci wetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sama xarit bi niki non bi sayyidna umar radhiyallahu anhu de waji genn aduna sayyidat aisha radhiyallahu anha dafa ni won man nak benn place bi dess ci neeg bi parce que neeg bi danaka kenen xadifu benen place bi dess nak man sama bop la ko dencal bam ko dencale bopam bi sayyidna umar radhiyallahu anhu di waji genn aduna dadi yonne ne ñaanal len mako rek may ma rek ma dem wax deug yalla nak ma nek fo wa mu ñaan sayyidat aisha radhiyallahu anha budé mom la dé man mënuma ko ngantul kon joxna ko place voilà lolou moy kon ñetti wër yoy non yeen sayyidat sayyidna abubakar as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kon mom monam ci teunk danaka ci lo xam dañé comme li yeen tibi sallallahu alayhi wasallam waxot né buñu jëlon mise manam balance ñi gëm yalla yépp manam ngëm yalla yi mbolé minni fi manam yenente rek lañu gënë tek yenente kessé lañu gënë tek né mais mbolam yenen minni fi am yalla créé yépp ñu jël seen ngëm yalla yépp tek ko ci benn plateau balance tek bu sayyidna abubakar radhiyallahu anhu mom kessé bosam ci benen balance bu sayyidna abubakar bay gëna 10 lolu koku mu koku jamul kenn wala sayyidna abubakar as-siddiq radhiyallahu anhu yabul akel wala legui nak le fait que mu denc domam nak lolu benen facteur lu bu jouer sur le fait que yannabi sallallahu alayhi wasallam gënon na bëgg sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha wala ak yeneen yo xamantene comme ni nga xamantene inshallah taala do len ci ñew amna fi nga xamantene mom lañu tollon moy fi ñi waxtane ci walu ni nga xamantene non la meloon masalan ci ci bëgg ci firange go metti firange go metti gi nga xamantene manam mom la amé won parce que dafa firoon tamit wala ba nga xamantene comme niñ ko gissé won nga xamantene dafa wax ni safiya dafa mëna togg wa safiya radhiyallahu anha dafa mëna togg motax bimu toggé djël bol bi ci def ci togg indil yenenbi sallallahu alayhi wasallam kër ga bima gissé bol bi mu yexé rek dam ko fil mu daanu touru kep wala mais comme niñ ko gissé comme niñ ko gissé ngay giss ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam nekk fa di wax di mer di tobak wala lo def ni xew xamulo sa bokku dañ la ki dañ la delo sa keur bay legi nangam manam yoy yep han xetu wax yu mel non yep dim ko han wala bu don ñi gëna radical sax dañuy teug et cetera yalla ñu yalla sama yanti bi sallallahu alayhi wasallam dafa tourner rek ne sahaba ya gharat umukum dadi re dadi muñ ni len sen yaay da fiir voilà après nak mu do moy mu faylu quand même pour préjudice bi mu ne ko voilà legui da ngay togg gu melni ak nga jël tamit bol sa bol ñu bi melni bi ngi ko nuro le nga fay ko parce que da nga tok bosam wa da nga yak bosam kon yo lol tamit xet la ak yenen yo xam dañ comme niñ ko gisse won ci jotay bi wessu han ci xetu ke firangem comme ba day firé Seydat Khadija radhiyallahu anha tay bokkuñu jamono manam bokkuñu jamono en tant que nek soxna yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam bokkuna ci aussi moy ne daf daan dafa bokkon ci bokkuna ci ay ngeenelam ak ay particularitéam moy ne Seydat Aisha yenenbi sallalahu alayhi wasallam da nan kaf ak mom lu bari voilà comme ni nga xamantene non la siwi moy ci hadith bo yo nek ci sahih yenenbi sallalahu alayhi wasallam rawante wo nak mom voilà bu Seydat Aisha radhiyallahu anha ñu raw ko benen yoon bi ñu meena way daf ma baye bama commencé am yaram tuti rek neena mo neena ñu rawante wat neena mo roko mo neema hadhihi bi tilka manam moy bi ni manam genre bu doon ñu la dañ nan 1 à 1 han wala moy ki na am na ñu ko wax exacto wala un partout wala moy égaliser na quoi genre égaliser na wala wa hadhihi bi tilka wala moy bi ni ciobale la wala manam moy wala moy mag waray won fofa wala ak tamit bok na ci lu demé nek yo xamantene yanti bi sallallahu alayhi wasallam masalan am la leg mu am yenn mbir yo xamantene lay dox digeentem ak yanti bi sallallahu alayhi wasallam nga gis ñu wax ci no xamantene manam comme ni amé ci couple yu bare yanti bi sallallahu alayhi wasallam doxale ak mom no xamantene da ngay gis ginnaw gi mom ci bopom day wëlbeutiku affirmer manam ne ko manam wan ko ne ko dal ak lu mën ti xew man nima la considérer ak nima la jappé du deñ du wañéku ci da du wañéku ci ben anam comme par exemple bu mu nan ko yentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko xamna bo mo mere lan ngay wax mu na lo wax da nga nan no bo mo contané da nga nan wa rabbu muhammad wa na ci borom muhammad manam yentib salaam munako amé so mère da nga nan war rabbu ibrahim wadna ci borom ibrahim mawla salaam mu rexane nek wax nga deug way muné wala ahjuru illa ismak way nak gadda yu mo luddul su tour manam tour bi rek la bañu tuddu mais doné considération bi dara wañé ko wuté wala bok na ci Sayyidina Aisha radhiyallahu ta'ala anha mom yentibi sallallahu alayhi wasallam mom la dan togal comme ni nga xamne non la ko waxe won manam mom rek mo amone nek ci neegam nek ci lalam waxi wat revelation wat Sayyidina Jibril sallallahu alayhi wasallam ñu indi revelation lolou Sayyidina Aisha radhiyallahu anha mom moko amone ci soxna yentibi sallallahu alayhi wasallam bok na ci jagne yi nga xamne mom la amone mom moy ne mom la dan julli ci negam mu teud mu diko manam mu diko pousse tankam bi bu pour bu sujjot bu sujjaté talna ko té comme batay d'ailleurs ci bok na batay né gis ya subhanallah ak yo xamantene ay xéfi acte de fi rang lek yo xamantene da ko don dal comme niñ ko waxé won ci jota bi yo sax mi légui ni bok na ci benen exemple moy par exemple bi nga xamantene mom la yenn sallallahu alayhi wasallam yew du li ñaar rakka hein mu melni manam mu melni kuy nelaw te nelaw yenen tibi sallama genn nekete baqi ala dem manam ci armée re mom mu top ko ah mu top ko manam ngir rek ni xol ba xam fal la djum voilà voilà te yenen tibi sallama tamit manam baxal manam de comprendre xetu attitude bobu malgré manam malgré xetu doxalin bobu amna tamit len lay mais lol dina ci ñew legui ne amna benen benen comme par exemple yentou sallallahu alayhi wasallam fu mu genné delu ci wat di julli muy lamb muy lamb bobu ndax toy ndax sangul farata manam muy est ce que demul won ci kenn ci soxna bi mu delu ci wat manam yoy yep hein lol yep ay xéte ci la lol mo motax en fait il faut nous comprendre que Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha malgré que firangé gogou dafa nékkon ci mom lolou tektélé wul won né dafa nékkon ko xamné luko né def luko né wax abada lolou il faut ñu bañ ñu comprendre lolou parce que li yépp ni ñuy wax ni du lo xamantene tout temps la ka dañ def manam du lo xamné dañ nan aduna bi yépp wala liñ nek yépp tous les jours épisode bu melni mo nan am manam yi ay ben la yu exister ci dundum donc il faut ñu baña ja ñu xamné loolu man nañ amna et que ñu baña jaawale manam loolu non ak xéx ben obsession bobu nga xamantene mom moy am de telle sorte que mayeto sa borom keur jamm et cetera ak ñu mel non fu mu dem nga yëngël téléphone bi eh lu xew nangam mom dal gisse kuñ ko bobu leg di nangam di newon na 8h lay wacc waya 8h 5 jot na te degu gumako et cetera manam xet yoyu nonu lolu il faut ñu xamné non mais dafa importance il faut ñu xamné lolu du attitude bobu lañuy wax voilà manam fi ni liñ wax bo gisse yende bi sallalahu alayhi wasallam bayyi nonu moy ne du lo xamantene du permanent parce que si non lu permanent lo xamantene meun na yak digeunte yenenbi sallalahu alayhi wasallam du ko baye mais le fait que du lo xamantene meun na dem fumu yaké digeunte manam parce que le fait que acte de firangé manam comportement buy wone ni da nga fir di am mais mu nek de manière ponctuelle lo xamne day am tay waye bala mo amati mu yag lolou day wone attachement bi nga am ci nit ki waye quand a fu fekente ni tout le temps la xew lol day mujjé dem nek lo xamantene problématique lay don non lay problématique il faut kon ñu comprendre différence bi nga xamantene mom mo am entre de ñaar attitude bok na ci ngeenel yi nga xamantene mom la sayyidat aisha am radhiyallahu ta'ala comme ñu ko waxawon mom moy yentou sallallahu alayhi wasallam bimu koy denc sayyidina jibril sallallahu alayhi wasallam moko won photo bok na ci ngeenel yi nga xamantene mom la am mom moy yentou sallallahu alayhi wasallam ci ayam le genné aduna ci bis bi nga am manam ci bir neegam ba paré néna bimi genn aduna ci sama digënté bat ak sama bir bi ci la nekko manam moy ci dënd bi la nekko yantabi sallallahu alayhi wasallam dafa jël lolou dinañ ci ñew légui inshallah mais bokk na ci ngeenelam bokk na ci ngeenel yi nga xamantene mom la sayyidat aisha am radhiyallahu anha moy ne yentibi sallallahu alayhi wasallam dako outalon dako mom rek mom mo amone ñaari ay manam ñaari fan yu muy aye mais ñaar fan yu muy ay yoy yentou bi sallalahu alayhi wasallam defuko parce que dafa togn du lolou contrairement à ce que manam doune par exemple voilà doune par exemple dafa ñew né day dafa dafa def exprès dal di jël sayyidat aisha mom radhiyallahu anha jox ko ñaari fan ñeneen nit yepp mu jox len ben demeut non Sayyidat Sawda bint Zamra moy kan waxon nañ ko ci jotay bi wess radhiyallahu anha moy kan wa okay moy ki mu denc voilà ak sayyidat aisha radhiyallahu anha ñim ñom la ñaar danaka la denc ndo wala bok sayyidat zama la ñeuk sawara la ñeuk denc ñu la ñeuk denc waye nestu mu tek ci sayyidat aisha radhiyallahu anha sayyidat sawara yantum sallallahu alayhi wasallam daf ko bëggona bayyi mu ne ko bul ma bayyi may ma rek ma nek ci kër gi su ko défé bu ëllëgé yowmal qiyamata ma bok ci ñi nga xamantene ñom ñoy ci jigéenu maam ñi nga xamantene ñoo ñoy nek sa soxna bu yowmal qiyamata yeen tou sallama bayé ko mu ne ko pour ki nak par ko ki manam en contrepartie manam dina la défal len manam dina jël sama ay comme sa soxna la dama am ben ay mais sama ay bobu nonou de droit la ko mayé sayyidat aisha wa billah anha mu may ko donc lolou mom motax sayyidat aisha radhiyallahu anha amone surplus bop manam kon mu am ñaari fan yo xamé parce que lolou man nané lolou mom motax ci fi manam moy bu fekkante nit ki dafa am lu upp ben soxna manam te waru tam upp ñent manam moy war tamat djum dafa am ay lo mom day am ngir manu te mana nek cependant ay lo bobu meuna exister sous forme yu bari meuna exister sous forme yu bari manam solo niñ djubu rek manam buñ ne duñu ne ben fan fi ben fan fe et cetera ba pare solo possibilité bi lay don tamet manam tay ko xamantene dafa am ñaar soxna di wala wala ñett di tukki lu bari manam di changer dekk ak dekk par exemple koku ay bobu dootu meuna tolloti manam dootu ñu meuna tolloleti nombre de jours exact ci ay bi mais de manière approximative meun nañu xam meun nañ ni ak kat li moy manam su nekké fi keur soxnam bi lay nek su nekké fi keur soxnam bi c'est dara comme ni ko ñepp xamé cependant lolu nak bu fekkete ne tolloul bu fekkete le nombre de jours yi manam wala no wér yi tollo wuñu bu boba nak da fay laaj kenn manam da laaj nga na corté manam duñu ne jigen di la bu da par force da ngay accepter ce consensus bi à condition bi voilà mais benen bi ci dess mom moy ku mu neex meun na ne man ben man ay nombre da ay wa sama ay fan may manam may na ci nangami fan diw mu neexo bu ñu lebe bu ba wara tukki nak bu waji waré tukki té du tukki le yubale kenn bu boba li ñu wax qur'an lay def manam moy day bantale bay mantale tirage au sort voilà moy tirage au sort voilà légui bu défé tirage au sort ki génn kok lay andal tukki parce que muñu and ak ñepp tukki donc ki génn lay andal tukki wala bu ñëwaaté fofu la borom xam yi wuti ci ay bi naka lañ koy continuer waté rahmatullah alayhim mais li nga xamantene ñom ñoy ñi ci ëpp ci borom xam yi rahmatullah dañuy wax né bu ñëwaaté dañuy reprendre ay bi rek normalement parce que lutax parce que siham moy lool non moy né dañu qur'an siham comme ni nga amé non la ko hadith bi waxé manam moy bëpp mbir bo xamantene bëpp mbir ci sharia bo xamantene pour ñu différencier chance ak ciri dafal manam mënu ñu leen différencier d'une manière objective sans ñu ton kenn buñ leen di départager dañ leen di départager par tirage au sort comme li yenen ci bi wax sallalahu alayhi wasallam wala law alimu ma fi nidar wa safil awwal thumma lam yajidu illa al istihama lastahamu ilayhi bu fekkontene xam nañu li nek ci noddu ak li nek ci sappi bu ñëkk bi té duñu am benn possibilité pour départager lu dul def tirage au sort kon ñom ñëp da ngay gis kenn ku nekk di bañ né man par force may noddu par force ci sappi bu ñëkk bi lay bok ba kérok ñuy am possibilité wu né wa légui kon graw amuñu benen possibilité buñ leen mëna départager nañ def tirage au sort kon fofu lañuy def parce que tirage au sort bo bu boba mom moy mëna tax ba ku sa plat ku sa tour genn rek nga dali ñu dali xamné yow amir mi sa chance la bu boba kenn doot waxati né kenn doot lu mëna kassati comme ni nga xamné non la nekké ci ay bi lu upp ci borom xam xam mi rahmatullah alayhim di firé moy ci sortu la a sortu al imran num nan wa kafala zakaria wama kunta ladayhim iz yulquna aqlamum ayyuhum yakfulu maryam wama kunta ladayhim iz yaqtasimun jazakumullahu khairan yow neko fi won yow yantu sa sa fanyom jamono gi nga xamantene ñi ngi sanni seen khalima yi manam borom xam xam yu bar rahmatullah alim tafsir kali liñu firi lolu mom moy ne moy biñi sanni manam tirage au sort yi ñu doon def wa izul kun aqlamuhum ayyuhum yakfulu maryam pour xam kan ci ñom moy denc seen doomu serigne bi moy maryam seen maryam alayhi assalam wa ma kunta ladayhim iz yaqtasimun yow neko won fa ñom biñi nek di wuti di xëccu manam ñom ñu doon xëccu en fait comme sayyid maryam alayhi assalam doomu sang bu mak bu ñu imran alayhi assalam bi nga xamantene mom la gané aduna talibé yi dañu bëggoon kenn ku taana kan ci ñom mo koy jël parce que kenn ku ne dang ko bëggoona jël pour yak fu moy nan yak ti ko mu nek nga nek parent nga yar ko sa kër nuñ ko tudde lool tuteur quoi wa nga nek tuteuram mais comme ngir mi xëccoo da ci amone parce que ku nek talibé da ko bëggoon ñu daal def tirage au sort ñu def tirage au sort mu moy yam ci sayyidna zakaria alayhi salam wala wala mo la mu tek ci ne wa kafalaha zakaria zak sayyidna zakaria moko mu jeyal yor ko manam nek tuteur kon lolu tirage au sort lañu def manam sa yu amé lo xamanteni munu ñu différencier nit ñi ngir ci caractère bu objectif day def tirage au sort wala motax tirage au sort bobu dagal na bokku tu tirage au sort benen bi nga xamne dafa arab voilà tirage au sort pour dem makka amna fu muy dagane amna ci cadre figure yu muy dagane kadu fur yu mi dagane moy par exemple ben way ne man damay maye sama biye mak ñent biye la yor wala jurum te dama ko bëgg maye seen mbolo mi legi nak ana kan mom mo koy ku koy kan ñan ñoy dem ana ñan ñoy dem ñu def ci duggal tour yu def ci rat wo fa voilà entreprise voilà lolou man nané lolou ben façon bu dagal la amna façon yo xamantene mom dañu xaram ñun dañu xaram moy yo xamantene dañuy tek dañuy tek après ñu tirage au sort pour kan moy dem bu dewe ne ñu tega ñu defa tirage au sort xol kuy dem bo dafa haram lutax mu haram nak moy tej jëmmi bopam la manam moy tontim gi xetu non tontu lañu wax wala xet go lool la lutax mu haram nak moy li bu ñëk bi moy le fait que kenn ku ne biñ koy def tay par exemple bu fekkante ni ñun ñi dañ ko def ñu né kenn ku ci nek ñu né à peu près 50 personnes lañ bu kenn ku ci nek joxéwé 200 euros 50 personnes de dal nek 10000 euros légui tay mo mën ci dem mak voilà voilà légui légui tay buñu démé tirage au sort bi man ma def ko ba paré danné wa légui man comme demna man bokoutuma hein wala mënutuma joxe ah wa wala bok ñuy di joxe man mu teewu dem manam chaque année mo tek pour le moment mu teewu dem manam def na ñet ñent at te na dem te amna keneen ku mu bëgg yobbu mak mu yobbu mu mak buma ñëwé daani légui bayina lima jottono cotiser rembourser leen mo voilà buñ mako rembourser parce que lool moy li gëna manu le minimum moy lool parce que mënu mako perte perte bu mako naré perte kharam bo mu day évident moy aklu am wal nas bi baxé nek alal nit ci xaar légui kon lan moy def moy man buma né retiré wuna c'est-à-dire que manque à gagner bi may créer ki demagul manam mom yoré luma dara parce que demu mais mom comme da doon compter ci 10000 euros yoy manam moy dem geek serice yeum fa beug jeund ak et cetera hein moy 10000 euros yoy mu doon compter man fu fekente ne 4 ans dem na deuma nana muy 800 euros manam 10000 euros manam manque a gagner lay doon ci mom te lolu nonou day indi ak manam ay ñeg ñeg ay merente fi ay jappalante ay xef yoy non mu nekké dañ ko def comme système bi nga wax mais ñu def na nek genre compte la mais ku dem ba paré mom day kon di cotiser mais day génné bokkum ci liste bi mais lool moy li mo wax ni c'est pareil ñoo même dé moy li mo wax ni de toute façon quoi qu'il arrive on day génné bokkum ci liste bi waaw ndax dem na ba paré ñu xaré na fi nekké mais mon tout dans voilà voilà donc tout affaire yoy non ka par ka la comme niñ ko waxe legui doxna ka bu mu dagal doxna ka bu mu haram voilà eh émission dîner au Sénégal waaw émission dîner nga xamné gaay dañuy envoyer lo gaay SMS ñu jox len ka mi lolay dañu nante ci ay émission tafsir la tout ça lolu moy li lonas di def waaw mais lolu moy li lonas di def ah oui parce que sama sms bi moy envoyer sms bobu dama koy fay manam dafa am ben opérateur wala serveur vocal voilà buy ko voilà bo xamné day surtaxer sms yi par rapport ñu jël ti xalisu ba fara def tirage au sort pour am ñu ci dox wala bok ci ñi xamantene tontu lañ tontu bu juk ñoñu lañuy am ci seen biir ñu def tirage au sort dox leen manam lolu dafa haram mom koku mom yaakar na ni jarul koku jarul sax am xam xam wa mais même tibbi la rek même tibbi la rek haja même tibbi la rek yalla ñu yalla sam mais moy li ndono xam nga lu yéme non mais xam nga lu yéme li yéme deug moy le fait que moy amé ci jota yu diiné émission wu diiné manam lool moy yéme parce que du moko la voilà lool moy yéme moy le fait que moy am ci jota yu diiné yalla ñu yalla sam voilà légui kon ñu délu ci wa amna dañu la et là du pour vous tégué mais mo du bon xam c'est de Aisha pour femme la jogué est-ce qu'amna obligé deuxième question bi moy est-ce qu'amna avant mom kenen ku ci Aisha normalement laaj bobu da warona ñu bien après c'est-à-dire buñu démé bu paré bu tay jéxal voilà ok mais du terrain mën nañ ci tontu comme que tant laaj ñu ko paré voilà Aïcha radiyallahu anha Aïcha mi ngi juggé ci Aïcha da mo tax sa yentou sa xam lay lay mu ko daan gat mu doon ko ya Aïcha Aïcha manam manam ngir taskhir ko manam ngir tu ki waaw ngir wowe ko manam manam ne xam wax jira ah ne xam wax voilà Aisha kon mi ngi joge ci Aisha Aisha mi teki dumbul il a vécu le fait de vivre voilà voilà lol ci aasha la joge ya subhanallah yenti bi sallallahu alaihi wasallam ya subhanallah manam dagay gis ba ci borom subhanahu wa taala yenti bi sallallahu alaihi wasallam dako tanal lepp manam dako tanal li gën ci côté ci lepp nak li gën lako tanal ba tanal ko manam fi nga xamné ma mom bu jinn aduna manam circonstance yi mi genn aduna ak fan lay genn aduna ak ci nan ba nga xamé tane subhanallah xam nga Aisha comme luñ ko waxé manam ñu jogé ci ki dundu manam incarné la vie la vitalité yéne bi sallalahu alayhi wasallam mi genn aduna ci deñu sayyidat Aisha radhiyallahu anha fekk bobu wala manam manam c'est comme si manam buñu xolé ki bi manam c'est comme si day da ngay inspirer ni yendou sallam djugi na fi ni mais comme que ci Aisha manam moy ni la vie la vitalité c'est comme si manam mi ngi ni day melni kou fi djogé mais mi ngi continuer di dund manam lolu hein na metaphore d'une insinuation ci réalité mom yalla tib salama ak dundam té moy exactement ba paré fi mu génné aduna aussi lolou mom mo tamit day wone ni motax li gën motax amna benn bis ma ngi serif bi radi Allahu anhu li wax ci cadre figure bob moy bi ni wax ni wax ju am solo mune ki di genn aduna mune yent bi sallalahu alayhi wasallam le fait que mu genn aduna ci jël nopam manam bopam tek ko ci manam ci deñu Seydat Aisha radhiyallahu anha moy soppem bi ki mu gëna sopp parce que comme waxon na ci gisoon nañ na bañ laaje yent bi sallalahu alayhi wasallam ko gëna sopp dañi Aisha ñu ne ko no goor ñi la wax mu ne papa manam le fait que mu genn aduna ci circonstance bobu do lolu day wala ne lolu moy façon genn aduna bi genn parce que yalla salam yalla li genn rek la ko tanal manam genn aduna ci circonstance bobu mo genn nga genn aduna tek da nga run sujud ndax lan ndax yalla dafa jox considération bu mak li nga xamantene mom moy li ñu tuddé al mahabba moy ak bëgg ak soxel manam bëgg gogou yalla daf ko jox importance de telle sorte que sop gogou yeen tibbi sallalahu alayhi wasallam nek gi mu nek imam ñi nga xamantene ñom ñoy borom ñu sop borom faal jeex ci borom bi parce que buñu faté limu wax ni yeen tibbi sallalahu alayhi wasallam dafa wax am solo dafa ni hubiba ilayya min dunyakum salas amna ñuy wax ne min dunyakum riwaya bobu desena wer mais hubiba ilayya salas la yentu bi sallallahu alayhi wasallam wax ne lan at-tibu wan nisaa'u ndal an nisaa'u la ñeke wa at-tibu wa ju'ila qurrata 'ayni fi as-salah yentu bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni dañ ma soppulo ci sen aduna bi ñatt manam riwaya ci sen aduna bi bobu borox xoxam yu wute nañ ci wërum ak ñak wërum lool hadith lopp ci ñu waram xoxam hadith wala ñu bari ci ñom dañu wax na en tout cas mais bobu dess na wër mais dal li nga xamne mu wër na mom moy xobbi ba ila ya salas voilà moy as'an misaa'u moy jigen ño xamantene yalla dafa def manam dañ ma soppulo ñatt ñet moy jigen ni yalla dafa def ma soppul hein yeen tib sallallahu alayhi wasallam lolu dal ni ak geut moy parfum dal ni waye li nga xamantene nak moy dalal sama xel ak sama xol mu ngi ci biir dund jigen limu wax ne jigen ni lol dafa am lol xaqiqa bu mag bu doyar la yo xamanteni seul lol wa ahlu zahir manam ñi xamanteni manam ay nitu aduna ci xel lañ la doon la ci dublu ñom mënu ñu comprendre wax joju luddul ci aspect ñom bi ñi bëgg jigen ni ñom aspect bobu rek lañ ko mëna xamé alors que yeenbi bi sallalahu alayhi wasallam bu waxé lolou limu ci dublu ak li nga xamantene mom moy réalité bi nga xamantene mom lay jundju fofu moy gën manam moy bokku na ci moy comme liñ wax légui ni parce que ce n'est pas pour rien que yentou bi sallalahu alayhi wasallam gën aduna fekk ko mu nek ak sayyidat aisha radhiyallahu anha mu nek ak soxnam alors que gënewul aduna nek di julli wala mu nek ci tolu xare mais ci fi la gënne aduna ce n'est pas pour rien. Et que lolu da fay wone ni manam dafa am ben haqiqa manam ben xépu djégé borom subhanahu wa ta'ala bo xamantene ci fofu lay jaar manam ci nit ki nek gi mi nek ak soxnam dundu gi mi dund ak mom dundu gu rafet gis nga nane ma'isha manam ma'isha moy la moy dundou gu rafet Aïcha ak Ma'isha ñoo bokk rasul manam moy xéetu dundim bu rafet voilà manam di dund ak mom dundim gu sel gu rafet gu baax et cetera lolu nonu dafa important et que awliya kibar yi ñu mag ni ci nitu yalla yi ñoom fiñuy gën di nekké manam seen digënté ak seen borom subhanahu wa ta'ala manam daf leen di ubil ben buntu bu re ci ñu xam ko ak ci ñuy jakarlo ak magayam ci jamono yi nga xamantene moy biñu nekké ak seen soxna yi motax yent bi sallallahu alayhi wasallam ngeneen gogou manam loolu la doon ishara fo manam la doon junju bokku na ci le fait que xolal nim doon dund ak sayyidat aisha waxna amna yenn parti yu ci netali sank yo xamantene pourtant yoy benn bu ci nek day woné personnalité yenn ci bi sallalahu alayhi wasallam parce que comme que motax xolal mam adam alayhi salam bi mu laaje borom subhanahu wa ta'ala wetal la dafa wet borom bi indi lu ko mbolo mu bari ñi dedet kenn rek nako indi moy sayyidat hawa kenn moy sayyidat hawa mo nek wetelu jaxna da pourtant ñun buñu jappé ni dañoo wét il faut pour ñu wét ni il faut ñu wut mbolo mo barki alors que wutul ko goor ko mo mais soxna ci lako indil mu wét lu et cetera donc yoyu ay bon derrière tout ça nak amna yeneen haqaayx yeneen ki yo xamne voilà de toute façon temps bi mayuñuko et puis tamit du jotay bi du voilà du mën na baña approprier pour gëna développer ci côté bobu yëpp mais ala kul khalim liñ ci djublu won moy né lolu lu mata bayyi xel la et que légui nak ci li légui nak pour ñu déllu ci li shérif bi doon wax fofu radiyallahu ta'ala mu né lolu mom motax nit ki warul di xaar ba manam lolu nonu manam comme que mbir mi non la démé yentou sallallahu alayhi wasallam ci xaal bobu lako yalla génné aduna moy bi gën manam kon mom moy ni nek ci xaal bobu tamit le plus souvent xéetu jaamu yalla bu kawé la bo xamantene bu mata bayyi xel la parce que hein voilà parce que dafa ki donc lolu yep daf ñuy dañuy jangal en quelque sorte manam manam dafa am ay aspect yu xam tane parfois xam nga lolu parfois ñu bari duñ ko baye xel manam aspect bobu ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ak le fait que mu doon dundé nonu ak le fait que nonu mu doon doxale nonu té bi mi génn aduna sayyidat aisha radhiyallahu anha lim wax bokku na ci lim wax néna bokku na ci sama ngeenel yima am bokku lolu yalla mom rek lako jaggal moy na bi yent sallallahu alayhi wasallam di génn aduna sama tuflit ak tuflitam ñoo dajé ci gemina man moy lan moy ndax ben frère Abdourahman ibn Bakkar radhiyallahu ta'ala anhu dafa duggu ci bimu duggu ci yor sot munefa abaddahu neena yentou sallama fixé sot bi neena maniko ma jotali lako yentou bi sallallahu alayhi wasallam def ni ak bok munefa ashara bi rasihi annam manam moy ne waw jottale mako fek bo bangi metti mega ma jël sotti bi comme dafa wow xawona wow me yeyel ko dox ko mu sotti neena ci digënté bobu nga xamné fofu la téggé bopom manam sama dënn mi ngi sama digënté bir bi ak sama lan baat bi fofu la yenen tib sallallahu alayhi wasallam genné addu sallallahu alayhi wasallam lolou ngeenel gu reuy la ci sayyidat aisha radhiyallahu anha mais tamit day woné xal bobu wala ni mu magge manam en tant que jaamu yalla parce que yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yalla dako gaanal mbir mu am solo munako wala akhiratu khayrun lak min al-ula selu mujju ala kulli hal mo gënu ñëk kon yenen sallallahu alayhi wasallam lolu mu mujji def dara gënu ko reuy dara gënu ko reuy lolu tamit day wone benen mbir bo xamantene mi ngi ci soccu ci en tant que tal comme di ngeen ci ñew inshallah ci buntu han ba ci ñaal beenu buntu bi nga xamantene mom moy bi teggu ci sun buntu bi ñu yalla nabi sallallahu alayhi wasallam motax muné al siwaku muné matharatun lil fami wa mardatun lir rabb sotu da fay setal jemit mais day maye ngeureumal yalla day tax yalla contane ci yow imagine nga xam nga kon ñun act yi ñi gis ni way say jotale ma sotu way ma sotu manam jappé ko comme lu anodé ndegété buntu bu gaaw la ci maye ngeureumal yalla ngirumal yalla moy le summum manam li gëna mag li nit di wut xéet yi gëna ri yi gëna non ngirumal yalla bala nga koy xam manam dulu yalla di jox ku ne ngirumal yalla dulu yalla may ku ne lolu da wara leral yalla man nay yeureum ñu bare yeureum na len mais ngirum moy satisfaction total agrément contane na ci yow yow mom contane na ci yow ci lolu dundu bay dundu bari wun ñu ko yalla defal yalla tabe nak sallallahu alayhi wasallam war nañu buntu bu yomute gaaw muy tax yalla contane ci yow moy lan soccu gis nga dumu yombe te gaaw manam lu ñepp man la du lo xamne kenn ku ne dal way li mom c'est un peu difficile c'est compliqué non compliqué wu bant la rek boy jeul di xox ci gemine di xex la manam luy est ce que bros mo na zero so wala do du non dal xam nga fofu day delu ci benen masala moy assiwaku bat bi ci bopam est ce que limi tek mom moy siwa parce que manam moy acte bi wala tour objet bi ci masala bobu lay delu ci borom xam bi lañ ci wut rahmatullah alayhim ci mais ala kul hal li nga xamantene dal mo mo gën mom té mom mom lèr nak ci amul ambiguïté té kenn du ci wéranté moy bant bi mom dakoy def comme comme ñu bi démé la nono té amul ben ambiguïté té amul risque dem ba ëlëk naan hé xawmu won ni bi bokku ci amul risque bobu hein té yomu na té mo gëna accessible bo jaddé fi légui mëna dag ben hein wa lool dal hein bo dé 1 € lay jaar ci moy moy arak ayul arak bobu moy bant bi yent mi doon socca salaxal ayul arak moy bo demé ci ñom té sanag yeen ki bo né la ñu siwak la bëgg socca bant bobu ñu lay jaay moy bobu bu yent bi salaxal bobu la nañ socca voilà ma ngi gis amna ben temps yele ma ngi fay di dem jaar gis am ben tubab bu ma fa rombu bu fa dugg quoi ñew di ne day jël bant yi quoi ki soit yi quoi après waaji man sor nan ko waaw baxna mu ne mais bien sûr en tout cas c'est moins cher que la dentiste et c'est plus efficace ça waaw mo gëna moins cher dentiste ni te mo gëna efficace voilà donc yoyu lolu lu lu mata baye xal la voilà motax kon bo xolé xal bobu yent bi genné aduna sallallahu alayhi wasallam ma ngay gis xal la yo xamanteni yi moy jaamu yalla yi gëna mag te pourtant yu ñu bari fook né ay lid yi taxuko am solo taxuko ri ah après mon ar rafiq al ala pourtant après nga gis benen xéetu jaamu yalla bu ko yalla yenké wal fofu moy le fait que moy di denkal ndax lolu mujjé denkal as-salatu wa ma malakat aymanukum lolu ron as-salatu wa ma malakat aymanukum as-salatu wa ma malakat aymanukum bamu yag comme li hadith sayna anas bi da la tan mu ne bamu yag neena ma deg ko mu nan as-salatu wa ma malakat aymanukum as-salatu wa ma malakat aymanukum bamu yag neena ma deg ko mu nan as-salatu wa ma malakat aymanukum bamu yag ma deg ko as-salatu wa ma malakat aymanukum julli mang leen di denk julli mang leen di denk julli ak tamit ñepp ñi nga xamantene yalla daf leena tek ci seen ronu loxo ndey jor bi manam ngeen yilif leen manam ngeen teele bu baax ngeen voilà gis nga ñaar yoy la nek di wax bu mëna fa la wax julli dama fonku julli hein ak lan ak ñi nek sen ron ndey jor wala bo xolé ñi nek sen ron ndey jor man na nek jami te comme ni ko xamé won mais yamul ci ñoom kep ko xamantene rek yalla daf ko tek ci sa loxo ndey jor manam nga yilif ko mo xam sa employeur sa voilà employeur wa hein sa quoi sa njabot voilà ce qui le ko xamantene tamit yow ya ko yilif parce que da nga am ben rôle administratif wala ben rôle bu meuna do wala manam ko yilif ak ko voilà moy ko yilif ñaar ñi la la denk ñaar ñi voilà donc mu boole jaamu yalla bi gëna mag ci jëf yi muy di julli amne mom ibadat mahdala manam moy jaamu yalla yi kessé kessé la strictement cultuel la mais ak jaamu yalla bi nga xamantene koku moy relation bi ngay am ak yeneen mindi fi moy ñi nga xamantene a coup sûr ay nit ñu faible lañ a coup sûr ay nit ñu faible lañ moy ni képp ku am parce que ku am faiblesse koku dafa moy ki gëna dangereux ci nit borom faiblesse mo gëna dangereux ci nit parce que lan motax parce que comme mom dafa faible ben force rek lay am moy yalla yalla rek kay nek force parce que amul lenen fo mu yaakar recours fenn bañu fajal ko añu yalla rek la yaakaane mom dal bu ko jambaté problème dana réglaw té motax koku bu boko togné bu répliquer ci côté bobu problème am légui lan ba ñaw ah oui motax il faut faire très attention ci côté bobu voilà ñun ñep moy ku fébr rek ku fébr wa ar-rafiq al-a'la yantib sallam rafiq al-a'la allahumma ar-rafiq al-a'la lool nak lu mujjé wax ben def ko genre ben wax nonu ci kaw allahumma ar-rafiq al-a'la rek mu def manam moy yalla dekkale gu kawé gi voilà mom la manam mom la lay mom lay sakku ci yow manam nekkale borom bi soxlo wul nek renel wala kenel yalla la soxla wala ci le genn abou sallallahu alayhi wasallam lol nak ñi xewon ci meegu sayyidat aisha radhiyallahu anha lol muy gënal ku reere gu sayyidat aisha wala benen bi ci dess moy limu xam limu mokal ci ay hadith ba pare jangale ko kenen ci jigen ni defuko kenen ci jigen ni defuko ah niki nonu bok na ci ngeneele mi mom moy ne sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha yent sahaba yi radiyallahu ta'ala kom ni ko xam ci hadith sayyidna abu musa ashara dara ma ashkala alayna sayyidna ashabu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma ashkala alayna ashabu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min hadithin wa sa'alna anha aisha illa wajadna indaha minhu ilman amul len lo xamantene ñun sahaba yantu sallam def ñu leunt ñu dem laaji ko sayyidna aisha radiyallahu ta'ala anha ludul ne sayyidat aisha radhiyallahu anha dang ko fekk mu am ci xam xam wa comme la ahnaf ibn qais wax degluna waxtanu sayyidna abubakar degluna bu sayyidna omar degluna bu sayyidna usman degluna bu sayyidna ali degluna bu khalifa yi ci ñi ci dess ak borom xam xam yu ak ñu jaay yu yep degluna len mais musuma deg wax ju rafeté sel buy guenné ci gemmen bu melni bi guenné ci gemmen sayyidat aisha radi Allah taala dafa demone ba nga xamanteni yentibi sallallahu alayhi wasallam manam dafa mujjono yor même exact manam ni yentibi don waxe moy jawami wal kalim sayyidat aisha radi Allah ha yalla dako may da ka wone jawami lol kal moy wax jo xamantene day gat umbulu bare ci mala ha exemple biñ ci joxe moy comme biñ gisone ci amdatul ahkam bi sayyidat aisha radhiyallahu anha haditham bobu nga xamne dafa ni kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yujibu tayammuna fi tanna fi ta tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli yelente bi de sallallahu alayhi wa sallam dafa bugo lol dafa bugo lol di tambale ndey jor di tambale ndey jor ci sol dalam ak ci buy peñew ak ci labam bi ak ci mbirum yeb wax joju dafa gat waye dafa nek wax jo xamne dafa lambo ndax bu tuddé dal yi moy ci souf tuddu peñew bi moy tuddu na ci kaw lab bi moy lu ci digënde bi yeb kon yaram bi yeb ñëw na ak mbir yi ci dess yeb nak moy dañ ni ci dess manam wax joju pourtant boko xolé da ngay gis bo le masala yi di dugg ci nan lañu wara def ci li manam nday jor lañu wara tambalé fi wala chamoy wala manam masala yëpp ci wax joju lay dugg ci wax jo xamantene mom non nak lako xam mu nek wax du gatt Sayyidina Aisha radhiyallahu ta'ala anha bokku na ci limu ragne ko won tamit moy ba ci bi yent sallallahu alayhi wasallam di dundu moy dafa nekkon genre luñu ko meuna buñu meun nañ ko tudde dañ nan mo dafa avocat la won ci jigen ni manam da len dan défendre bi di ak surtout sen ay xaq ngir ñu bañ ko bofuwe bokku na ci moy ndaw si ñewon wax ko ne at-talaqu marrat manam moy hadi ay bobu ne at-talaqu marrat fa in sa'akum ma'ruf wa tasrifu bi ihsan ay ba ay yo ja li sababu nuzul bi moy ndaw si dafa ñew ne man day ni sayyidat aisha radhiyallahu anha man day sama borom keur daf ne ma yow mom ni may def rek moy dama lay te duma la fasé duma la baye munako nokoy defé munako dama nan la fasé nan ba nga commencé japp inde bay waji jax ma jëndi jëlat nan bu buñ démé ba nga xamné do mëna dem mukk quoi voilà manam mo diko def ba ci yémer yoon wala lu ko man do mëna dem mukk mais en fait do nek sama jabar tamit ce qui fait que manam ne ko ci bu baw manam yalla ñala sam ba waxe lolu sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha ñu ni yenté bi sallallahu alayhi wasallam ñu jambar ko ci kanam yenté bi sallallahu alayhi wasallam ay alquran wacc ci lolu me fasé nak ñaar la bu xëss ñaari xëssé da jaba dal téy bu rafet rek ba bayyi bu rafet kessé amul la nak parce que après ba da dawji fi nak ci lañu instauré bu ba da dawji koko manam ba da dawji moy ginnaw jëkkeur ginnaw borom keur la yakana lolu masal la bo xam dañ dal ka jaru ñu ci yeggale parce que voilà ñu gir teunk ko rek moy ne il faut que nit ki kenen takko ko manam boko takki boko wacce ñett yoon soxna ci pour yow nga man ci jofat amatul manam fokk dañuy mayewat te mayewat gogou du am ludul mom mu dem ba ami ji benen borom keur ba fanan ak borom keur wala bok ba joté ak borom keur goga ba borom keur goga bayyi ko ci ciobare bopam nga doga man am droit jëlat ko yalla ni yalla sam Voilà. Ndeysan, nek la nga gis ay kay yo xamantene kay yu yewi la. Amna kuma ci xamone ko xamantene dafa bari won lu muy wax, lu mu don foyo don ndegete, man ndaw si bimo waxe ne dima wax problème yi wala ki neena bayina nangam malaj ko ne ko amé ñaata yon la la massa wax né la fassé na la monuma mé lolu au moins une vingtaine de fois ah oui au moins une vingtaine de fois ndax parfois day mer dañu allez vas-y fassé na la vas-y dema voilà da wax ni ki da maniko nak xam nga lan yeen en fait da ngeen meunut le sey problème bi fofu la nek moy manatu la nek li manat nek moy kenen denti la ba ngeen nek ba koka wati ra ci ciobar ba fofu ci la lay mu doga meuna jelaté ndaw ci nek comme ni ah kon nak xaan faaxé da tay wax ni wadi bo legi finalement manatu la dal ndax mi nangam waji nak woma woni ki neena yo ya ko wax ne ki man ko a wa lol de moy atami mo ne non mais man bañu moy yalla nim waxa mais bu fekente ne lol non man do gawuma lolou quoi gawuma ne yalla non yalla yeuruma ne du lolou quoi yalla yeuruma ne man ah wa mais ya ko foy ya foy yeuruma ne yalla hein ya ko foy non mais man xam nga xawmako won wala yoy parce que dafa am yo xamantene baatu xawmako won dula ci genné voilà xawmako won nak taxul nga genn ci voilà donc mom problème bo mo ko dal ndeysan c'est dommage mais lool rek mo meuna nek après laaj ni mo façon yu ne nak mais mon tane manatu nané mon tane man tane man la né baatu fassé ak bép baat bo xamanténé day ték exactement fassé comme tay par exemple bo né xam nga fassé wala bok manila yéwina la ben la mayna la sa bat hein ya fi tey sa bop nak lolu bop non ya fi tey sa bop non ya fi tey sa bop fasana du bel la waaw boku ci parce que bobu fanane ya mi baye sa bop moy ya beug sey bi am moy bëgg nga sey bi né mo démé parce que da nga dem ko sey dédé dédé non non non dédé parce que buma né bo fi fanané ya fi bayyi sa bop moy né so fi fanané ça veut dire que ya ngi bëgg sey bi am donc bo démé moy non bo démé tektali wul ni fassé ko parce que sey bi fassé bi ko gor ké ko mëna def ci sey non mais waxul lo xamantene man la tax bo ni ne wala wadi fassé nako parce que tay mën na la de xol mën na la bo fanané ya fi baye sa bop voilà beaucoup tak bu fi voilà même bu ne la won bu fi fanane demal sa kër baye sax taxul mu fassé parce que demal sa kër baye mën na nek na demal ngir fay wala demal dina lidjel ci problème mën na tek lolu ha demal ma ngi lijeenti porat dina ñew lijeenti su problème demal su keur baye loolu du fasse wa da wara leer parce que li di tax sey di tass warta nek lu tuti lu leer lay do da wara leer limi di ci termo bo fi fanane ya fi baye bo am na ñeneen ni nak yeen bo xam xam ki tek ni boko waxe c'est comme si daw sta comme wal bopam quoi Non, xam nga bo fi fanané bokku tak bo togné ci sey bi ya fi tey sa bop lolou ba tay du ben waaw non mais bo fi fanané mën na nek né mais lolou kay li ko gëna graw moy demal sa kër bay délul sa kër bay demal délé parce que délul sa kër bay rek mën na téki demal sa kër bay da na ñew li jënd ci problème bi mais est-ce que tu entends show non mais c'est que xam nga lolou hein waaw non mais lolu mais lolu expression la rek voilà lolu expression la rek moy delu fo nga djugé won voilà wala gennal keur gi ay buma la fa fek yoy yep ben tekki tiwul fas Voilà. Alors que par exemple, voilà waccuna la xam nga tay fim dool mën nga ko wax alors que mën nga ni fof nak mën nañ la laaj né lo ci djublu nga né fa c'est la ci djublu parce que waccuna la rek mën na tek né manam banala banala moy bama banala nangam fetu yoy non takaliko nangom voilà comme ni takaliko nañ bo wa fasena mais wattina la tekteli bobu il faut ñu xam lan moy intention lu wacc wax faut ñu xam luy intention ñu laaj ko ndax fasena tuddu mu wala deug parce qu'il faut moy muy leer Il n'y a pas de problème. Parce que face à nous, voilà. Maintenant, quand on a la face à nous, vas-y, j'étais divorcé. Mais divorcé, non, non. Voilà, face à nous, face à nous. Moi, je vais battre, moi, je vais la battre. Voilà. Amna ñu bari ño xamantene liñ ci wax moy moy na da waron da war fek amul sédé batay du fassé loolu amul fenn loolu amul fenn fek amul sédé du fassé dedet loolu moy xam nga tay fim doon motax nit ki mënul taxaw né bima ko c'est parce que tout simplement bima koy wax né fassé na la amul won sédé kon grawul ken fassé wuñ ko loolu ken mënu ko lan waaw ak lettre yow est ce xam nga ni nit ki meun nañ ko fassé sax té lolu ñu bari xamuñu ko meun nañ ko fassé ba iddam jeex ñu do ko yëgeul ni ko fassé won nañ la il y a par exemple 3-4 mois parce que té yëgu ko waaw meun na né manam information bi yéxé gul won ci mom mais fassé gi amna non même buñu nekké Mais de telle sorte que fokk dañ lay lat lan nga ci djublu non ci ka bi nga djugé dal la communication ci ka bi ni en ka bi ni wa moy nga passé son passé non d'accord dame dia nga wax ko est ce que nek lo xam yow do parce que xam nga lutax parce que mom bu yegone ni fassé nañ ko xam nga tay mëno fa né wax na la wa fassé na la mom baye bo indam jeex naniko ah wa legui day jeex na munela lan nga niko ah idna bi munela gan nga niko be basa won na la ya la ngi wé lolou parce que xam nga lutax parce que mom le fait que mu yek ko ak mu ñak ko yek daf dul am ben influence ci une décision bi problème lolou mom motax xam nga tay ki ñu fassé kiñu fassé buñ ko xëssé ba fassé mu yëk ko ak mu bañ ko yëk ñoyam si parce que manam juridiquement parlant ñoyam yamul ci socialement ni ci yoy mais juridiquement parlant ñoyam parce que mom amul mënul wax né d'accorduma ci fassé gi mom mënul wax lool voilà mënul wax né d'accorduma ci fassé gi lu mënon rek moy négocier bañu jëlat ah waaw lo rek la man bi mo xam ko mu leer mu baxna ci waaw mais man juridiquement parlant la wax voilà voilà manam mu xam ko mu leer moy li jaaru mais bu ko xamul wañi wul manam bu changer vous changez les équipes voilà légui nous donc lolu benen bi ci dess bokku na ci sayyidat aisha radhiyallahu anha manam ci batay ci digeuntum ak limi dox ci digeuntum ak morom soxna yi moy ndaw si ñu won ne ko man sama papa de daf ma maye te man ki ma may bugu ma mu ñu wax ko yalla tabi sallallahu alayhi wasallam nako ah ki kat liko dal mom metna nangam ndax dañ ko maye te mo buggul kiñ ko may nangam yalla tabi sallallahu alayhi wasallam ni nono lolu am lolu dal ni nañ ko nitu bi yalla tabi sallallahu alayhi wasallam bañe lolu ci la sayyidat aisha radhiyallahu anha ci la ndaw si ne yentibi ne man day pourtant li man dama bëggoon won jigeen ñi rek ne quand même am nañu lu ñuy bañ ak lu ñuy bëgg ci ñi ñeen wara may lool rek mo taxon ma bañ wala ma bëgg loolu nak pour teunk ñu ki ci gattal dafa am lu am solo ci masala fofu non ndax nak lek borom xam xam yi rahmatullah alayhi xam nga masala bobu dañ ci wuté ci na ndax mënif na maye jigeen sans consentement and ak ne ñoom ñep d'accord nañ ci ne jek kenn duko maye sans consentement lool ñoom ñep d'accord nañ ci manam ku mësa sey d'accord nañ tamit ci ne manam ak tamit wala masala tamit digeen yo xamantene manam mak la nonam mak la momit kenn duko maye te d'accord mais xalé ndax ma def nako maye te d'accord lolu nga gis fuqahaa maliki ak shafi'i rahmatullahi alayhim mais lolu man na ne mais ñom surtout maliki fuqahaa maliki surtout ñom ño ci gëna ñom ño gëna bari ci ñiko wax ñom dañ japp ne lolu man na nek ndax dañ ko tek ci mas'ala bu ñu tuddé masalahul lu ñu tuddé ci usul masalahul mursala masalahul mursala moy mbir am bo xamantene de manière générale daanul am wala jaadul won ci tassam mais dañ ko amal ngir ben objectif bo xamantene lu bénéfique la manam moy comme lan moy comme li sayyidna khadir alayhi salam defal sayyidna khadir alayhi salam par exemple gal gogou mu toñol bu mu yegge ci gal lolu xam nga baxul mais daf ko def ngir lijeenti problème bo xamantene mo gëna important manam ngir ne parce que xamna ni gal gi mom fu ko xarul ni buñu deme ba ci kanam bour bi bu ko xolé gis na gal bi amul ben problème dakoy nangou te niko mom li rek lañ am pour am source de revenu lool moy masalahul mursal ñom nak dañuy wax ne fu xawa malik rahmatullah dañuy wax ne xalé bo xamantene jankala xalé la manam mom manef nako maye ci forcé ko ñu la tax ñu ne parce que xalé bobu ki nga xamantene mom moy ay tuteur manam parents am yoloy tuteuram ñom mi nga xamantene mom lañu xam ci adam moy ne lu bax rek lañ koy bëggal té comme lu bax kessé lañ koy bëggal nak donc buñu koy maye diko may manam mom en tant que xalé bu ndaw déjà xamul milieu goor ni parce que lolu bokku na ci li tax bu jigen faw day am tuteur parce que jigen ni mom du xam goor ni c'est lougal xam nga ñom buñ ko xam ce qui fait que goor lañ mom moy mëna xam né comme que goor gi comme buñ ko ko xasse ba may day nek ci tuto manam day nek ci ronam wa day nek ci autorité sur ci ronam donc duñ ñu manam il faut que ñu bonu koy maye ñu wala ñu xol ko goor gi xol na nga mot lool moy ndu tuteur bi mais parce que mom rek du xam lu beul gaay di lu beul si parce que gaay ni ñi mel buñu bëgge ak seen vrai visage du ben la mais c'est valable pour jigen aussi hein voilà mais c'est que jigen bi dafa gëna fragile ci côté mom alors que légui ci cadre figureu xalé bu ndaw mi mom non seulement daf ci bolé lolu yépp mais daf ci bolé amagul maturité ci xelam bu ko mëna permettre muy mëna def choix bu baax côté mom donc parents mi wala tuteur mi nga xamné la ñom lu baax rek lañ koy tandal té lu baax lañ koy bëggal ñom dañuy daal di mëna am droit hein tanal ko parce que xamnañ ni de toute façon mom dafa xamul rek motax comme xalé bi nga xam ñene dañ koy yobbu école muy bañ li joy ne du tok xam nga tay manam dañ koy né malgré que bugulo dem neexul manam bugo dem mais dañ lay forcer nga dem quand même parce que sa euleuk ci la né voilà ko bu ko voilà ñom manam pour expliquer lutax fuqaha maliki rahmatullah alayhi daganal lolu ci buntu bob mais ñu bayyi xel ne and ak nonu yeb li nga xamantene mom moy li gëna wër inshallah ci masala bobu moy ne même ñoñu amuñu droit forcé parce que après comme niñ ko xamé comme li yent bi wax sama parce que texte bu leer la ben ñaarël bi ci dess moy ne liñi di li comme ni fuqa maliki rahmatullah wa yenn ci safé ni masalihul mursala la surtout ci fuqa maliki rahmatullah mo masalihul mursala la lolu mën na baña nek réalité bi parce que après mën nañ ko ko bëgg lolu mais mu nek torture wala manam ndaw ci jaaré fa nek ko xamné voilà jaara fa nek ko doy wa ci anam yu bari afan yu bari voilà et puis mën na fa jaara sax am ben haine bu mu am contre société bi ak contre goor ñi rek do manière générale lo wax rek mo ni goor ñi dañu doy wa goor ñi dañu li goor ñi dañu la comme niñ koy gisé Allah de temps en temps ci ñoo xamantene pourtant lolu fekkul ci lolu dalu le fo la fek ñi ni goor ñi dañ def li goor ñi dañ def la goor ñi dañ def ni goor dañ ni ha wala mu ñu koy deg lu bari and ak ne ñoomu dara dalu le fi ken teggulen ben ciono ci côté mom ma legui imaginer li xamantene ñoom lañ tek problème yu tollu non ha ah ya man jara sam dama né sax même ki bi né gaay mën nañ ci def ngir intérêt xam nga buñu dégg ko dem na intérêt man nañ ko ngi mais mën nañ forcer xalé may que parce que nit ki dafa am pour que laj dafa am xaliss wa intérêt bi mën na sétu voilà wa mais aussi mën nañ japp né aussi que ni wa lool nga wax mën na né mais mën nañ japp né tamit né wa ñom dañ japp né voilà man lool day tax xalé bi nekk ci sécurité financière ah voilà non manam pour wax la rek ne la aspect yi c'est pour dire que ni ñaari aspect yep meun nañ ko xolé non motax borom xoxo bi wuti ci question bi rahmatullah alayhi ci question bob mais bon ala kul hal ak lu meunt xew texte bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax mom dafa leer waaw mom dafa leer benen mais niki lolou seydou aïcha la dayal ha malgré lolou yef tam non la nekké auto ko xamné da dem delo wat jigen ni tam ci sen yoon lolou mom motax mu daan wax nan gisso bi mu non wax nan yantibi sallallahu alayhi wasallam wax gi mu wax ne bu len téré jigen ni ñu di dem ci jakkay mu ne yeenante bi mune jigen ni ay way di len sol sol bu manam sol bu bax te bañ di def tabar manam di toilette fo len rek di dama dik di toilette di dama ko dik lool moy tabaru manam moy di buy genn rek nga daal sol yi geuna rafet parfumé wu et cetera ak yoro lool te mo nekk ci keur gi di bëgg rayal nit ñi am ben ndoxé han muy han muy xéñ togg rek eh non mais c'est vrai limay wax ni ñu bari xam nañ ko ñu bari xam nañ ko attention muy goor ni muy jigeen ni limay wax ni xam nañ ko ci sen soxna yi surtout non mais c'est vrai wa mais ci jigeen ni dafa flagrant non dafa flagrant bo len fekke sen keur yi danaka day melni bokku tak ki ngi gis ni mel wala mbolo yi di dajé bokku tak même nit ki alors que contraire ñu wara am c'est à dire que buñu né dem ci mbedd mi di dem ci lañu wara sobre buñu nekk ci bir ci buñu nekk sen bir keur yi ci fofu man naño défaru contraire ñu wara am mais bo len fekke ci mbedd mi ni ñi solo parfumé wu manam ak mi nga xamantene nonu lañuy defaro nangam ba nga xamantene mom bu baax dañuy defaro bu baax mais lolu moy ci mbedd bi d'ailleurs xalé yi dañ koy mim ba nga xamantene buñu gisé sen yaay di commencé defaro rek dañ xamné lay gën wa dina ko yaay fo djok voilà sayyidat aisha radhiyallahu anha nak lolu da ko don rappeli jigen ni lolu mo motax mu don wax nan yéne tibi sallallahu alayhi wasallam de soufine nekkon ni ma gis ak ni ñu commencé di solo ni di genn di dem jakkay yéne tibi sallallahu soufine nekkon da na len ko téré voilà manam nekkul won nak comme manam du comme ñun ni ko mëna xolane parce que da fay défendre jigen ni que da fa am ay tendance féministe wala yu mel non dédé da fa am ay keur manam moy manouté duñu len duñu wañi ak ken mais duñu jël ken doxul upp limu yello voilà duñu wañi ak ken né duñu uppal duñu exagérer non plus ci ni ci ben côté ni ci benen côté lolu moy manam moy doxal ni Seyd Aïcha radhiyallahu ta'ala anha kon xamna inshallah di ñu yam fofu jotay bi di ñew ñu dugg ci naktom bi et cetera moy hadithatul ifk ak yu mel non ci jotay bi ñew inshallah wallahu ta'ala ana sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin